se balance, ça et là, toujours sur la même danse. On avance, mais on court après quoi? On se perd, on s'espère, quelque part on s'égare. Un jour au-delà, on se retrouvera. In my dreams, in my dreams, in my heart, in my mind, dies you and I. There is you and I. There is you and I. There is you and I. J'entends l'écho de ta voix s'éloigner de moi, mais